d'être obligé de presser un peu les gens qui passent devant vous. Nous allons passer, et je pense que nous aurons, si nous avons le temps, la place pour quelques questions à la fin. Nous allons passer la parole à Monsieur Beaufort, qui est directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France. Donc, comme vous le savez, la Bibliothèque nationale a une politique extrêmement riche et diversifiée en matière d'open data. Donc je vais passer la parole à Monsieur Beaufort sur ce sujet, qui a fait l'objet de nombreuses actualités, mais dont il vous parlera mieux que moi. Je voudrais en profiter, puisqu'il y a un certain nombre d'archivistes présents dans la salle, pour me féliciter publiquement du partenariat que nous avons noué depuis l'année dernière avec la BNF. Et depuis quelques semaines, on travaille un peu à marche forcée, il faut bien le dire, depuis quelques semaines, sur le projet de site internet sur la grande collecte. Et je sais que toutes vos équipes sont impliquées et je voulais tout particulièrement vous en remercier puisque l'occasion m'est donnée de le faire publiquement. Donc je vous passe la parole sur l'open data. Écoutez, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et je leur ferai part de vos remerciements. Ils y seront certainement sensibles. Je voulais vous dire combien j'étais d'ailleurs content de m'exprimer devant vous. C'est pas si souvent que des rapprochements bibliothèque-archives sont possibles et cette journée est formidable pour ça. Vous dire donc que comment dire le périmètre pour la BNF est assez dans le fond assez simple. Je pense que c'est un périmètre plus simple que les chevaux entre collectivités locales, etc. Vous avez pu décrire. Nous faisons donc une distinction très nette entre les métadonnées et les données. Je vais y revenir dans un instant. Donc, pour vous dire que l'engagement de la BNF dans l'ouverture des données publiques est un axe fort, un axe de sa stratégie, repris par son contrat de performance, et vous dire également combien, moi aussi, je suis tout à fait content des collaborations qui ont cours, y compris sur ce sujet-là, entre la BNF et les archives, je pense aux archives nationales, au CIAF, mais aussi la communauté internationale des archivistes. Donc j'y reviendrai sur l'EAD, sur l'ISNI, etc. Alors, l'ouverture des données, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé lors d'un conseil d'administration, fin 2013, qui a acté que depuis le 1er janvier de cette année, eh bien, nos métadonnées sont ouvertes. Alors, de quel périmètre parle-t-on ? Eh bien, il s'agit de toutes les données bibliographiques, donc c'est-à-dire celles qui résultent de la description physique des ouvrages, mais aussi de toutes les données d'autorité, c'est-à-dire auteur, titre, sujet, lieu, etc. Donc, ce sont... Alors sur le sujet, d'ailleurs, on m'a fait passer un document qui sort de chez vous, le bulletin sur les ressources archivistiques numériques d'avril 2013, tout à fait bien fait, et qui montre en effet le patrimoine dont nous disposons au titre des données d'autorité. Donc, la BNF, en fait, y était largement invitée, si on en croit d'ailleurs la longue liste d'avis, que ce soit celui du Conseil national du numérique, la feuille de route du gouvernement, la mission acte 2, l'ESCUR, rien de moins que la charte du G8, on a fini par se sentir cerné, si vous voulez. Bon. La feuille de route Open Data du ministère est arrivée par là-dessus. Donc, si vous voulez, on a pu assez simplement, finalement, porter cette idée qui rejoignait quand même en interne la volonté de pouvoir s'associer, coopérer, s'associer avec la BES. Et donc, qui dit aujourd'hui coopérer, dit d'adopter une interopérabilité technique et une interopérabilité juridique. Donc pour nous, l'interopérabilité juridique, eh bien, c'était d'adopter la même licence que les autres. Donc c'était Etalab qui avait déjà été adopté par la BES. Il y avait un intérêt évident, notamment pour aller dans le sens de la proposition 79 du rapport Lescure sur les futurs registres ouverts de métadonnées. Il fallait que nous ayons, nous aussi, la même. Donc passant au conseil d'administration, le ministère de la Culture nous a bien sûr donné son feu vert dès lors pour adopter cette licence qui... Je vous le rappelle, pour nous, signifie que, en plus de la totale liberté, notamment de réutilisation commerciale, la seule demande, c'est de préciser la provenance des données. Et ça nous paraissait assez sain, notamment pour que en cas de réutilisation, les gens sachent que ben voilà, ces données provenaient de la BNF. C'était pour nous, acteurs de confiance et de référence, aussi la garantie pour ces gens-là de disposer de données fiables. Voilà. Donc, une convergence d'opportunités. Deux grandes bibliothèques nationales avaient fait déjà ce choix. C'était le cas à Harvard, Stanford, bon, la Deutsche National Bibliothek, la British Library, le consortium OCLC. Bref, donc on n'était pas non plus leader en faisant ce choix. C'est un choix aussi de cohérence économique. Je vous assure que le chiffre d'affaires que la BNF générait avec ses métadonnées, c'était 40 000 euros. Et ça prenait facilement un demi ETP pour gérer 12 clients. Donc il fallait arrêter ça. Et puis enfin, des raisons d'innovation, puisque le regroupement par œuvre des manifestations, le modèle FRBR en bibliothèque, est un sujet sur lequel nous devions travailler. Electre s'était mis au boulot depuis longtemps. Nous pensions qu'en effet, grâce à cette ouverture des données, nous allions pouvoir libérer sur la toile des données dans le format utilisable par les robots, par les réutilisateurs, et donc d'avoir des plateformes. Donc c'est la plateforme Data que vous voyez ici. Data, dont je salue l'ancien chef de produit qui se trouve parmi vous, Romain Vens, qui a été chef de produit de l'ouverture de Data jusqu'à la fin de l'an dernier, qui est ici sur ses vacances, merci. Donc, alors vous voyez, ce sont des pages, j'espère que vous les connaissez, sinon je vous invite vraiment à aller les voir, parce que c'est un travail qui est ouvert il y a quelques années, absolument fondamental pour à la fois faire connaître au moteur eh bien, l'ensemble de ce que nous avons sur les auteurs ou les œuvres. Donc c'était pour nous la condition du désenclavement sur Google et sur les autres moteurs, puisque avant nous avions tellement de choses sur Victor Hugo, sur Racine, que nous étions très très loin, très très bas dans les pages de résultats. Donc la condition pour partir à la conquête de l'onglet de la liste principale de Google, c'était de mâcher le travail des moteurs et de lui présenter sur les œuvres, sur les auteurs, sur les sites, sur les dates, la totalité de ce que la BNF avait à offrir si vous venez sur place ou si vous allez consulter Gallica. Donc ces pages sont exposées sur le web et elles sont liées, c'est-à-dire que nous utilisons à fond les référentiels, nous utilisons les ISNI pour les auteurs, nous utilisons l'ARK pour le référencer de manière pérenne l'ensemble des ressources, et le tout est bien sûr offert sur chaque page de manière unitaire en RDF, mais aussi vous avez un requêteur SparkQL, là j'en ai lâché quelques-uns, et enfin nous faisons un dump global vers donc la plateforme Etalab. Ne partez pas. J'en ai fini avec la technique. C'est le drame de tous les acteurs. Il paraît quand ils font un cauchemar, c'est la salle qui se vide, qui se vide, qui se vide. Bon. Et donc, vous le voyez, donc des pages web pour les humains, des données pour les machines, pour les robots. Sur Arte, on dit des pages pour les hubos. Alors, premier bilan, puisque ça vous intéresse en premier plan. Donc, vous le voyez ici, vous avez l'audience de Data. C'est un succès formidable pour la Bibliothèque nationale de France, puisque nous sommes aujourd'hui à plus de 120 000 visites mensuelles en moyenne. Ça nous apporte un trafic qualifié. Avant, il fallait taper BNF ou Gallica pour nous trouver, voire BN Opal Plus quand les gens connaissaient le nom du catalogue. Aujourd'hui, ils tapent des auteurs, ils tapent des œuvres, ils tombent sur la page Data et du coup, ils peuvent rebondir. Et donc, ça nous apporte un trafic sur les documents. Donc, l'interopérabilité juridique est à penser avec l'interopérabilité technique et au global. Donc, nous avons énormément de réutilisation. Je vous en ai mis une juste après. C'est la bibliothèque municipale de Fresnes, qui avait eu d'ailleurs une aide du ministère de la Culture pour faire ça. Mais nous avons la BPI, nous avons des bibliothèques nationales étrangères, des sociétés, Archimène, PMB, Progilon. des services publics culturels comme l'Institut français avec Yves Verso qui réutilise nos données, le calculateur du domaine public qui réutilise les données de data. Donc vous le voyez, un certain nombre une grande visibilité. L'hackathon Open Data du ministère, le gagnant utilisait les données de la BNF. La BES réutilise bien sûr, le portail Isidore. Bref, on ne les compte plus aujourd'hui. Il y a même, et je vous ai mis l'exemple qui arrive juste après, des réutilisations tout à fait inattendues. Alors vous le voyez là, c'est sur l'Apple Store, ça s'appelle 4BNF. Bon, et c'est vendu 1,99$. Donc, alors, on est allé voir. Alors, on était un peu chagriné parce que ça utilisait les tours et puis le nom BNF. Vous voyez. Et alors, quand on a vu que le premier avis qui est tombé, c'est « application totalement inutile, tous ces renseignements sont gratuits sur le web, on se demande comment la BNF peut proposer une telle application plutôt que de travailler sur son catalogue général. Utilisateur régulier du catalogue, je regrette cette acquisition. » Bon, alors on s'est dit, c'est le revers de la médaille, hein, faut être ouvert à ça. Bon, alors on l'a juste appelé, le concepteur, en lui disant, écoutez, vous utilisez notre marque, vous utilisez les bâtiments Perrault, comme il y a une partie de confusion, donc revoyez peut-être un peu la façon dont vous offrez ça, et puis en effet, apportez une valeur ajoutée quand même, parce que sinon c'est un peu... Alors il l'a bien compris, il nous a dit, je vais revoir ma copie, je republierai une application. Bon. Il y a ça aussi dans le paysage, mais il faut y être ouvert. Je trouve que c'est, en tout cas, c'est un tel apport, c'est une telle créativité autour de nos données. Je trouve ça formidable. Donc sachez qu'avec les archives, il y a beaucoup de choses qui se font, et notamment dans le cadre du groupe Métadonnées culturelles initié par le ministère de la Culture, puisque entre Claire Sibyl et Florence Claveau, entre le CIAF et les archives nationales, eh bien, des études d'alignement d'autorité se font entre data, entre l'ISNI, entre les référentiels des archives nationales. Donc pour vous ici, sachez que donc nos équipes travaillent ensemble, et ça c'est quand même tout à fait encourageant. Alors, passons maintenant, comme je viens de parler des métadonnées, au régime applicable aux documents numérisés. Bon, alors, je vais suivre le plan. Avant et après 2010, oui, parce qu'en 2010, en fait, avant 2010, l'usage public était soumis à redevance. Or, par usage public, nous avons bien vu qu'avec Gallica, énormément de gens se réappropriaient les documents, les publiaient sur leur blog, sur leur site, donc il ne fallait pas freiner ça. Donc il fallait sortir de ce risque un peu juridique qui pesait sur la tête de ces réutilisateurs, y compris quand ils mettaient un pavé de Google Ads, etc. Vous voyez que, quelque part, ils pouvaient se sentir inconfortables dans la réutilisation ainsi sur le web des documents de Gallica. On a estimé qu'en effet, il fallait largement encourager ce type de réappropriation, qu'il y allait d'ailleurs de la visibilité des collections de la BNF. Et donc, depuis 2010, la décision de la BNF a été de dire que n'était soumis à redevance que l'usage commercial. Et donc, les gens vont sur nos documents, les copient, prennent le PDF, les publient sur leur site, et ils sont dans une sécurité juridique totale. En revanche, nous signons donc des contrats avec des gens comme Hachette Livre, qui veulent faire du print on demand, ou des portails documentaires qui veulent prendre 300 livres et les offrir à un public de manière payante. Et donc, ils viennent négocier avec nous. Alors, qu'est-ce que nous utilisons pour faire ça ? Nous utilisons donc l'article 15 et l'article 16 de la loi du 17 juillet 78, puisque selon cette loi, on dispose que les établissements, organismes et services culturels fixent les conditions d'accès à leurs informations, et donc nous avons fixé nous avons utilisé ce fondement pour distinguer les utilisations non commerciales, gratuité, et les utilisations commerciales, redevances et licences, articles 15 et 16. La directive de 2003 sortait les établissements culturels du champ, donc là on n'était pas concerné. Celle de 2013 refait rentrer les établissements culturels dans le champ du régime général de la réutilisation des données publiques, mais là nous nous appuyons sur l'article 6.4 et surtout les considérants 22 et 23. Alors, l'article 6, en effet, puisque, en gros, il dit, lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public, blablabla, le total des recettes, hein, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Et cette notion de retour sur investissement raisonnable est éclairée, est expliquée par le considérant 23, qui fait référence au prix du privé. Voilà. C'est-à-dire qu'on est un peu supérieur, sans doute, au prix de la seule mise à disposition, mais vous le voyez, la directive nous permet, et donc nous avons un tarif qui est voté en conseil d'administration, qui est publié sur notre site internet et qui est le même pour tous. Donc nous avons une grande transparence sur les conditions de réutilisation et vous voyez le fait que, dans le fond, nous estimons que, en effet, la directive n'aura pas d'impact sur le fait que nous pouvons bien prélever quelque chose. Alors sachez-le, pour le print on demand, c'est 20% du chiffre d'affaires. Quand quelqu'un vient nous voir avec un projet où le livre serait imprimé pour 15 euros, eh bien, il le met à 18 et nous recevons 3 euros. Voilà. Donc il ajoute 20%. Donc à la fin, le pourcentage sur le prix payé par le client final est sans doute un petit peu inférieur à 20% qui reviennent à la BNF au titre de la mise à disposition d'un document à des fins de réutilisation commerciale. Voilà. Et ça génère chez nous pas loin d'un demi-million d'euros. Donc vous comprenez que pour l'instant, il n'est pas question pour nous de changer ce dispositif, surtout dans l'état des finances publiques actuelles. Voilà. J'ai mis aussi un petit point, puisque finalement, il y a du coup des partenariats qui sont un peu médiatisés, si vous suivez l'activité et l'actualité de la Bibliothèque nationale, des partenariats qui, du coup, eh bien, sont simplement des opérateurs privés qui se présentent pour justement utiliser et permettre à la BNF soit de les renumériser, soit d'en faire une exploitation avec un retour, sachant que cette filiale, en fait, nous a été demandée par le Commissariat général à l'investissement et qu'à ce titre, nous avons donc reçu un financement du CGI, dont nous sommes très fiers, puisque nous avons quand même reçu 10 millions d'euros, donc ça valait quand même le coup, et qui nous permet d'avoir des programmes à la fois sur le livre ancien avec ProQuest, à la fois sur la musique et récemment sur les EPUB d'ouvrages du domaine public, donc avec la société Ligarant. Donc on couvre comme ça, les partenariats lorsque des acteurs du privé se présentent pour justement faire des choses avec nous. On a eu beaucoup de mal à en trouver, on ne vous le cache pas. On avait fait un appel à partenariat avec une douzaine de lots et seuls deux sont partis, si je puis dire, au sens où les propositions étaient suffisamment intéressantes et rentraient dans les grilles d'analyse du Commissariat général d'investissement, et donc nous a permis, comme ça, de faire en sorte que le petit peu d'argent que nous recevons du Centre national du livre ou de notre budget sur la numérisation, eh bien, nous le mettons sur des endroits qui, justement, nous intéressent, nous, et nous avons comme ça des partenaires privés qui nous accompagnent sur des secteurs où eux-mêmes sont intéressés. Et nous tâchons de ne pas signer de licence qui excède les 10 années pour justement une restriction de l'accès, ce qui est en ligne avec ce que l'Europe demande, ce qui est nettement moins, vous le savez, que ce que Google proposait pour puisqu'ils étaient habituellement sur 25 années où il y avait des restrictions pour les autres moteurs d'indexer les contenus numérisés, ce qui est une des explications de la non-signature de la BNF avec Google. Mais voilà, donc on a, vous le voyez, on essaye de jouer sur tous les tableaux. On a de l'argent public qui nous permet de numériser et on met sur Gallica, bon. On a du mécénat public, donc on a un programme Adopter un livre, donc si les gens veulent venir et ils ont 66% de dégrèvement fiscal, sachez-le, parce que c'est Noël bientôt, et c'est formidable d'offrir autour de soi la numérisation d'un ouvrage, d'un aïeul, etc. Bon, il faut le faire savoir. Et puis, des partenaires publics-privés qui viennent pour nous accompagner, qui sont donc encore en nombre relativement modeste. Mais voilà, on essaye justement de faire en sorte que devant cette masse immense de documents à numériser, eh bien, nous ayons plusieurs forces versées dans la bataille.